Je vais commencer cette piste de réflexion à travers une question. Dans votre existence, de votre naissance à aujourd'hui, combien de projections avez-vous fait en lien avec la quête de votre bonheur? À travers des personnes, à travers des activités, à travers des endroits, des lieux, à travers les parents, la famille, les amis, les enfants, etc., etc., etc. Combien de projections de votre bonheur? Et combien de déceptions, combien de colère, combien de doutes, combien de craintes, combien de changements de direction, combien de remises en question? Et une autre question, pensez-vous que cela va changer? Voilà, ce sera le point de départ de cette thématique, puisque dans cette illusion qu'est l'ego, il ne cesse de projeter une image, celle de son bonheur, à travers tous les objets. Seulement, cet ego est par nature ignorant et il ne comprend pas que cette image projetée du bonheur n'est ni plus ni moins que la pulsion du désir. Et c'est ce qui crée autant de souffrance. Et c'est ce qui crée que la vie, elle passe. Puis on trépasse, bien sûr, mais la vie, elle passe. Et en fait, le réel sens de son existence n'a pas été touché. Pourquoi? Parce que la paix intérieure, la joie, ne s'est pas révélée. Donc, ça pourrait amener à une autre question très simple. Pourquoi vivre une vie sans cette paix et sans cette joie? Quand je dis pourquoi, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre fin à sa vie, mais quel est le but de la vie si ce n'est pas pour être en paix intérieurement et en joie? Est-ce que le but de l'existence, c'est toujours de vivre par rapport à ses peurs, ses doutes, de se créer des contractions, de vivre dans des projections? Est-ce que c'est cela la nature de l'esprit? Est-ce que c'est cela la nature de notre potentialité? J'ai pu constater que, quels que soient les âges, nous avons une réelle éducation à faire pour notre esprit, afin de l'orienter, de le canaliser vers cette paix et cette joie intérieure. Donc, pour répondre à cette thématique de ce soir, imaginez-vous un instant, d'ailleurs c'est une des questions du parcours introspectif, imaginez-vous un instant être complètement dans la paix, dans la joie. Plus aucune contrariété, plus aucune souffrance. D'après vous, qu'est-ce qui se révélerait spontanément? Tout simplement la nature de votre esprit. Dans cette spontanéité du ici et maintenant, il y aurait toute la préciosité de votre existence, de votre être, de la totalité qui se manifesterait là. Et ceci est le sens pur et subtil de l'existence. Dans la forme la plus belle. Bien entendu, si l'on revient à des états ordinaires où l'ego est manifesté à chaque instant, il risque de peut-être de trouver une partie de son bonheur dans la maison qu'il vient d'acheter, une partie de son bonheur dans le couple, une partie de son bonheur dans ceci, dans cela, dans le chien, dans la voiture, dans son travail, dans ses activités, ses loisirs. Mais s'il est honnête avec lui, cet ego, il va s'apercevoir que même en ayant tout ça, eh ben en fait, il n'est pas heureux. Et même s'il en a plus encore, il sera toujours pas heureux. Parce que vous le savez, les amis, depuis le temps maintenant que vous écoutez et que vous pratiquez, c'est que cette notion de bonheur qui est à l'extérieur une illusion, en fait, est le propre développement de votre intériorité. Alors bien sûr que on peut très bien monter une affaire, un business, et puis à partir de ce business, donner un sens à sa vie. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que ce business vous amène beaucoup de contrariétés, beaucoup d'heures à passer, à le développer, à travailler, des contraintes terribles. Peut-être même que le dimanche, au lieu d'aller jouer au tennis, vous allez devoir arpenter les routes pour pouvoir justement subvenir à ce développement. Et tant que l'ego saisit cela et se dit « je vais y arriver parce que je vais au bout des choses », ça va créer beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, c'est pas forcément là-dedans que l'individu va trouver son bonheur. C'est pas non plus dans la construction d'une maison. Sauf si il y a un sens profond derrière cela. Quel sens vous pouvez donner à toutes vos activités, à toutes vos actions? Ce matin, un très beau texte a été lu sur les moyens pour être dans l'action juste. Et il parlait notamment du travail. Est-ce que le travail que j'accomplis aide les gens, aide les autres? Est-ce qu'il est en accord avec l'harmonie de la totalité? Et parfois, en ayant un œil un peu plus objectif, je peux m'apercevoir que j'alimente un système qui ne rend pas heureux les gens, voire même qui crée de la dépendance. Peut-être j'ai la possibilité de changer ces choses-là. Est-ce que je travaille pour alimenter mon confort? Est-ce que mon cœur est ouvert vers les autres? Est-ce que j'ai une démarche altruiste? Je peux me poser tout un tas de questions qui vont finalement, si j'y réponds, donner un sens à mon existence. Donner un sens à sa vie, c'est rencontrer son intériorité. C'est rencontrer la félicité, la béatitude, la beauté en chaque chose. Et si je vais au bout du processus, c'est même la beauté en la fin de vie, en la mort, qui est juste nécessaire. Et là, peut-être vous allez vous dire en vous-même, oui, mais il y a des pays en guerre, il y a des ci, il y a des là. Il y a des gens qui souffrent de faim, bien sûr. Et ils ont leurs problèmes de famine, au même titre que le riche, il a ses problèmes d'argent. Mais tout cela dépasse cette pensée conceptuelle. Ça demande d'aller plus loin dans l'investigation, et quelle que soit la condition, je l'accueille et je m'élève spirituellement. On pourrait remettre le système des castes en Inde, mais si on le prend sous sa base philosophique, ce qui est très beau, c'est la façon dont les personnes qui sont dans les différentes castes, des plus basses aux plus élevées, chacun accueille sa condition. Après, on pourrait peut-être discuter sur tout ça, mais c'est pas le but de ce soir. Mais il y a dans ce phénomène-là un accueil profond de sa condition. De sa condition de vie. À quoi vous donnez le plus d'importance quand vous vous levez le matin? Vous voyez, il y a tout un tas de questionnements qui sont intéressants parce que, en fait, tout ceci est propre à chacun, mais est-ce que quand vous vous levez le matin, alors pas les premières secondes, mais dès que vous arrivez dans votre salle de bain et vous vous retrouvez face à la glace, c'est sûr que vous n'avez pas travaillé dans l'état où vous sortez de votre lit. Ce serait pas convenable. L'ego, il serait pas content d'arriver tout décoiffé, etc., pas bien habillé. Donc, vous avez donné de l'importance à votre apparence. C'est bien de donner de l'importance à son apparence. Si l'importance que l'on donne à son apparence était dans, quelque part, c'est un exemple, était là pour rendre agréable ma présence dans le lieu de travail pour que les autres, et ben voilà, ils aient un visuel agréable. Pourquoi pas? D'ego à ego, tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Mais c'est pas forcément la démarche initiale. La démarche initiale, c'est d'abord ce profond désir endogène qui est de s'aimer soi-même. Et cela peut créer beaucoup de contractions. Vous arrivez au travail et puis quelqu'un vous dit oula, il te met pas en forme ce pantalon. Alors que pendant une heure vous vous êtes préparé et là ça y est, tout est remis en question. Si vous construisez votre existence à partir de ce genre de manifestation, d'avoir le beau véhicule qui va bien, d'avoir ceci, d'avoir cela, sous prétexte de désir-plaisir, sous prétexte de nourrir un certain égocentrisme, bien sûr que toutes les conséquences de ceci seront souffrances, et au final, l'esprit passera de consommation en consommation, de projection en projection. Ah, si j'ai ceci, je me sentirai mieux. Ah, si je suis là, je serai plus heureux, etc., etc. Parce que le sens, le réel sens de l'existence n'est pas encore reconnu. Parce que l'intériorité ne s'est pas encore révélée. Donc, ça crée beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'obstacles, d'empêchements à la réalisation. Ce qui est très beau, à l'inverse, c'est de prendre conscience de ces enseignements, de cette réflexion, de se poser avec cette réflexion, d'essayer de la comprendre, de pousser l'analyse jusqu'à cette compréhension et de dire, je suis dans un processus peut-être qui va m'amener à cette révélation. Et vivre ce processus en conscience est juste magnifique. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui font un travail, mais en parallèle, ont une activité qui partage, qui enseigne ou autre chose, ou qui œuvre pour des associations. Et c'est déjà très, très beau de trouver un équilibre dans tout ça. Et peut-être aussi qu'il est possible d'aller plus loin dans la démarche encore, afin de vous révéler en vous-même de révéler toutes les qualités, de révéler votre talent. Voyez, le talent, c'est la voix du cœur. Et c'est ça qui est juste magnifique. Alors que dans le règne de l'ego, c'est le talent d'Achille. Parfois, on peut rencontrer aussi des personnes qui aimeraient se révéler. Mais derrière cela, il y a une forme d'inconnu, et que déjà les habitudes, les peurs sont déjà installées, c'est très difficile de passer certains caps. Ça va demander du courage, ça va demander de la patience, de la persévérance, ça va demander de l'étude, ça va demander une forme de discipline pour pouvoir justement mettre en place ces changements qui vont faire que votre intériorité va se révéler. C'est pas simple. Déjà, ça demande une reconnaissance. Ça demande de reconnaître que l'état dans lequel je suis actuellement ne me convient pas. Et ça demande de reconnaître que jusqu'à maintenant, je m'en suis satisfait. Comment dans le milieu dans lequel je vis, je peux évoluer, révéler mon intériorité. Bien sûr, le but n'est pas d'aller vivre, d'amener tous vos bagages avec vous. Hein. Non, c'est d'être là où vous êtes et d'émettre les changements intérieurement. Si je suis dans un travail où mes collègues de travail sont un empêchement à mon harmonie interne, comment je peux dissoudre un peu une partie de mon ego pour accueillir ces gens, alors que jusqu'à maintenant je les jugeais et que je me sentais si parfait? Comment je peux maintenant avoir une estime de moi-même un peu moins forte à ce niveau-là et accueillir l'esprit qui est en face, voire même ses souffrances? Parce que peut-être que s'il est désagréable, c'est qu'il est en souffrance dans sa vie. Et comment je peux lui venir en aide? Déjà en me tolérant moi-même. Déjà en limitant mes démangeaisons internes. Déjà en stoppant le jugement, le négativisme. En ayant une attitude plus joyeuse, plus conviviale. Nulle raison de haïr son ennemi. Qui plus est, si cette personne est votre ennemi, apprenez à l'aimer et elle deviendra votre amie. Malheureusement, beaucoup de querelles durent dans les entourages directs parce que l'ego est très fort de part et d'autre. Et que chacun a une vue suprême de lui-même et donc va juger l'autre. Est-ce cela le sens de l'existence? Est-ce que le sens de l'existence, c'est d'avoir raison? Est-ce que le sens de l'existence, c'est d'être plus beau, plus fort, plus intelligent que l'autre? Est-ce que le sens de l'existence, c'est d'être plus riche, plus pauvre, plus malade, moins malade? Est-ce que le sens de l'existence, c'est d'éviter tout ça? Combien d'énergie gaspillée dans l'illusion d'être en bonne santé le plus longtemps possible, éternellement? Surtout lorsque l'on prend conscience que la somatisation est un élément omniprésent et qui crée toutes les maladies. Cela va demander du temps à l'esprit qui étudie, qui pratique, pour rencontrer son propre environnement, pour rencontrer la nature même de l'esprit humain dans sa pluralité. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'en faire une analyse. Ce n'est pas simple d'en rire. Car se prendre au sérieux dans tout ça, c'est encore pire que tout. Donc, une autre question qui peut être intéressante que vous pouvez vous poser, c'est maintenant, comment? C'est bien gentil tout ça, il est bien, ok, il est cool le gars, mais comment faire ça maintenant? Comment y accéder à ça? Ouais, j'ai pas envie de changer ma vie, j'ai pas envie de ceci, ok, mon travail, je m'en accommode, ok, voilà, ça fait maintenant 20 ans que je suis marié, ok, c'est bon quoi, tout va bien, c'est génial. On fait des projets, on fait ceci, on fait cela, dans ma vie, j'ai plein d'activités. Est-ce que vous entendez là tout ce que j'essaye de vous dire? Au combien il y a de projections à l'extérieur, à travers un environnement extérieur, qui peut-être, arrive à vous satisfaire. N'est-ce pas là encore l'ego qui se manifeste? Et si maintenant vous mettez un arrêt sur image, vous mettez tout ça à plat, et que vous gardez juste votre intériorité et vous faites le bilan. Je sais pas quel âge vous avez, 25, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, voilà. Vous faites le bilan et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez valider d'être pleinement en joie, sans aucune contrariété, sans aucune contraction, sans aucun doute, sans aucune peur? Sans aucun négativisme, sans aucun jugement, sans aucune colère. Est-ce que ça, vous pouvez l'affirmer? Personnellement, je ne peux pas. Je suis honnête avec vous, je ne peux pas. Je ne peux pas l'affirmer. Alors, puisque je ne peux pas l'affirmer, qu'est-ce qui me vient spontanément à l'esprit? Ce n'est pas dans toutes ces choses-là que je vais trouver la paix, ni la joie, ni le bonheur. Donc, je vais commencer à donner un réel sens à mon existence. Car mon but unique, c'est de trouver la paix et la joie dans mon cœur, de façon stable et durable, pour la partager. Et même si à travers ce but unique, tous les jours, je fais des travaux, j'écris, j'enseigne, il y a des gens autour, magnifiques, mais tout ce qu'il y a autour n'est alimenté que par ce seul et unique but, c'est d'être en joie et en paix. Ce ne sera pas à travers une personne, ni une rencontre, ni un lieu. Non, ce sera peut-être avec une personne, avec un lieu, mais pas à travers. Ce sera simplement à travers mon intériorité. Et parce que cette intériorité, elle va être joyeuse, elle va être paisible intérieurement, elle pourra se déposer, prendre le temps d'observer, d'écouter la résonance des actions. Intuitivement, puisque l'intuition se développe à partir de là, intuitivement, de s'orienter. Parce que le chant de la causalité est une mélodie merveilleuse lorsque l'on sait l'écouter. C'est la fluidité, les amis. Lorsque la conscience se révèle à elle-même, alors tout devient fluide. Pour la simple et bonne raison, c'est que il n'y a plus de négativisme ni de peur à l'intérieur, donc à partir de là, il n'y a plus de bon ou de mauvais choix, il n'y a plus de bien ou de mal, il n'y a que le sens de son existence au service des autres à travers quoi? À travers cette quête de cette paix intérieure et de la compréhension de la rencontre avec la nature de l'esprit. Donc maintenant, libre à vous. C'est ça qui est intéressant dans ces pistes de réflexion, c'est que libre à vous de prendre ce que vous avez entendu ce soir et puis de vous poser dessus pendant les prochains jours et de commencer un petit peu à vous questionner sur cette notion de bonheur, sur cette notion de désir-plaisir qui est cause de toutes les souffrances. Combien de désirs, combien de plaisirs va-t-il falloir que j'accumule encore et encore pour combler mon insatisfaction? Combien? Mille? 100 000? Des millions? Et les champs d'exploration sont vastes, hein. Quelle que soit l'activité, quel que soit le moment, observer la pulsion du désir. Le désir, je sais pas, moi, le désir de regarder un bon film, le désir de bien manger, le désir de boire un verre de vin, le désir de faire l'amour, le désir de ceci, le désir de cela. Le désir est partout. Parce que c'est à travers ce désir que je projette mon illusion du bonheur. Et c'est ce qui fait que cette notion de désir m'amène dans tout un tas de directions, sauf celle de mon intériorité. Car c'est l'ego qui projette. Voilà. C'est la pulsion. La pulsion à partir d'un mécanisme qui est, encore une fois, je vous le dis, endogène, qui est celui d'aimer et d'être aimé. Donc, toujours en quête de chercher des solutions à l'extérieur. Vous avez la possibilité de simplifier tout ça, bien sûr, tout en profitant de votre existence et de ce que la vie procure, puisque la vie procure tout un tas d'objets très intéressants à observer, à pratiquer. Le tout, c'est de le faire en conscience et de lui donner un sens, de donner un sens à ces objets que l'on pratique, de donner un sens à ses pensées, d'aller vers plus de simplicité, plus de spontanéité, celle du cœur, plus de joie. C'est de se tourner vers les qualités, vers les vertus. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas bien grave. Mais le tout, c'est d'aller dans ce sens-là. Et vous verrez que votre jardin intérieur va fleurir de mille fleurs multicolores, donnera des fruits magnifiques et goûtus. Vous verrez que votre intériorité va être lumineuse. Et lorsque vous aurez goûté à cela, vous ne voudrez pas le quitter, car vous aurez trouvé le sens de votre existence. Peut-être que la démonstration de cette équation n'était peut-être pas assez claire. J'espère que si, j'ai fait de mon mieux. Et parfois, il est bon de se déposer. Il est bon de juste fermer les yeux et petit à petit d'enlever les voiles qui obscurcissent cette lumière intérieure. Il est bon de stopper le bavardage dans la tête à travers les projections, à travers le passé, à travers les différents pourquoi, à travers la vue suprême que l'on a de soi-même et juste de lâcher et le lâcher prise qui sera la conséquence de tout ça. Et c'est dans ce lâcher prise que votre nature va se révéler. Lorsque vous êtes en assise silencieuse pour apprendre à méditer, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a tout un tas de pensées qui viennent vous bousculer, des images. Tout ceci n'est que la conséquence de la pulsion du désir. Donc, il est bon d'être assez patient et persévérant pour que l'esprit puisse cracher tout ça. Je vais employer le mot cracher, hein, c'est pas un beau mot, mais voilà, vous m'avez compris, puisse sortir tout ça jusqu'à ce qu'il trouve le calme et le silence intérieur. À partir de ce silence intérieur, il va pouvoir se concentrer sur un point, sur le souffle, et il va pouvoir trouver cette joie intérieure. Cette simple pratique donne un sens à votre quotidien. N'attendez pas d'être dans les bonnes conditions pour le faire. C'est encore l'ego qui se manifeste, c'est l'ego capricieux. Organisez-vous pour le faire quotidiennement. Organisez-vous, soyez déterminé à donner un sens à votre existence. Et cela passe par le mental. Donc si ça passe par le mental, il n'y a qu'une façon de le canaliser, c'est par la méditation. Pour aborder la méditation, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est par les enseignements. Sinon, ça ne fonctionnera pas dans le long terme, malheureusement. Car l'ego aura toujours une excuse pour donner d'autres priorités, pour se dire « non, là, je me sens pas très bien. Non, je veux pas méditer parce que je me sens pas très bien. » Voilà. L'ego préfère rester dans son pas très bien plutôt que d'utiliser un outil de guérison pour justement aller toucher ce calme et se sentir bien à nouveau. Tout ceci, c'est que l'ignorance du processus. Le tout, c'est d'y goûter un peu pour être convaincu que parce que je vais pratiquer cela, ça va tout de suite, la guérison va se faire. Mais si je ne goûte pas assez longtemps, je n'en aurai pas la preuve et donc du coup, je ne vais pas y donner d'importance parce que l'ego, il a besoin de preuves puisqu'il a une vue suprême de lui-même. Donc, s'il n'a pas toutes les preuves, ben, il va peut-être mettre l'orteil, mais c'est tout. Et déjà, c'est un exploit. Et nous sommes nous-mêmes, chaque être ici, chaque être sur la planète, est son propre refuge. Chaque être sur la planète a la capacité, naturellement, de tout détériorer, de faire du mal, de développer l'aversion. Mais ces mêmes êtres ont la capacité d'arrêter de faire du mal, de stopper toute aversion et de faire le bien. Qu'y a-t-il de plus important que cela? Voilà. Voilà comment peut-être donner un sens à sa vie. En donnant un sens à sa préciosité. En donnant un sens à cette impermanence qui est juste formidable, sublime, nécessaire. Que de donner un sens à cette interdépendance où rien ne peut exister de façon inhérente, autonome. Seul l'ego croit que je suis unique. Du point de vue de l'ego, oui. Mais ce n'est encore que l'attachement. Alors, je m'incline devant l'interdépendance, parce qu'en fait, je ne peux exister que par cette magie de l'union de tous les éléments. Alors déjà, je m'incline devant cela. Et je m'incline aussi devant autant d'esprits que sont mes congénères, car il n'y en a pas un qui est supérieur ou un qui est inférieur. Chacun est là où il en est dans son processus, et nous sommes tous, de toute façon, soumis au même conditionnement, tous sans exception. Et c'est magnifique. Alors pourquoi vouloir se sentir supérieur? Pourquoi vouloir se projeter dans tout un tas de choses qui ne sont que des illusions? Pourquoi tout simplement ne pas faire fleurir ce jardin intérieur afin de nourrir les êtres qui en ont le plus besoin? Et puis si c'est à travers le fait d'être boulanger et de faire du pain pour nourrir la communauté, et que votre intention est celle-là, parce que vous avez rencontré votre intériorité, alors faites du pain et nourrissez la communauté, celle de votre quartier, celle du village, celle... Vous voyez, tout part de l'intériorité, tout part de l'intention. Et c'est ça qui va donner un réel sens à votre existence. C'est l'argent, le fait de dire mon confort, l'argent, ça ce sont encore des excuses. Parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, on vit dans un système, c'est un système monétaire, c'est un système financier. Donc, il y en a partout de l'argent. Certaines personnes arrivent à en avoir beaucoup, d'autres moins, d'autres pas du tout, parce qu'ils ne se donnent pas non plus les moyens, peut-être, ou qu'ils ne sont pas dans un environnement favorable à cela. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus facile de dealer la drogue ou de voler, mais dans tous les cas, il y a un rapport avec cela. Et regardez au combien cette notion d'argent est toujours en arrière-plan dans la vie de chacun. C'est normal puisque tout le système est basé là-dessus, c'est cette valeur financière qui est là. Elle peut permettre d'accéder au plaisir comme elle peut être un empêchement et créer de la frustration. Dans tous les cas, de toute façon, ça crée de la souffrance. Donc, le but, c'est pas de vivre sans argent. Non, le but, c'est de rencontrer son intériorité, de comprendre que l'argent n'est qu'un moyen habile pour parvenir à ses besoins primaires et plus, pourquoi pas, hein. Mais à partir de son intériorité, à partir du sens de l'existence. Donc, priorisez si possible votre intériorité, priorisez si possible la voix du cœur. Vous verrez que il y aura plus de conflits, de peur, d'insécurité, etc. par rapport à l'argent. Il n'y a pas de mal à en gagner. Le tout, c'est de savoir pourquoi on veut en gagner. Et vous verrez que derrière ça, il y a beaucoup de peur. Ça demande une attitude honnête avec soi-même, bien sûr, très objective. Donc, si vous reconnaissez les peurs qui se cachent derrière, eh ben, voilà, pratiquez plus, étudiez plus en parallèle, et vous verrez que vous allez trouver un équilibre dans tout ça qui va créer de l'harmonie. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait parler de cela et qui amènerait de toute façon au fait de donner un sens à son existence. Que ce soit l'argent, que ce soit l'alimentation, que ce soit les pratiques sportives, que ce soit la pratique yogique, que ce soit la méditation, tout, absolument tout, puisque tout part de notre intériorité. Tout part du mental. Absolument tout. Toute votre réalité est conçue à partir de votre intériorité. Donc voilà. Le tout, c'est de vous poser, de dire, voilà, qu'est-ce que je veux en faire de cette intériorité? Est-ce que je veux qu'elle soit la plus resplendissante possible? Ou est-ce que je vais continuer à constater que j'ai beau tout avoir, mais que je ne suis pas heureux à l'intérieur? Et ça, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'y remédier. Ça dépend que de votre enthousiasme, de votre générosité envers vous-même, à bien vouloir donner du temps à la pratique et à l'étude. Ça demande juste cette reconnaissance. C'est très simple, hein, de passer le cap. Le tout, c'est de le passer.